C'est la pinou dans la garrigue. La garrigue. Et la garrigue, c'est aride. C'est aride. Mais madame la pinou, elle est frigide. Alors, le lapinou se tripote le bou. Bou, bou, bou. Bou, bou, bou, bou, bou, bou. Se tripote le bou. Bou, bou, bou, bou. Mais à force, le bout du lapinou, lapinou, devient tout mou. Oh, devient tout mou. Monsieur Lapinou reste seul avec son petit bout de figue. C'est horrible et triste dans la garrigue. Moralité, c'est pas avec un petit bout tout mou que tu vas niquer comme un fou. Fou, fou, fou. Fou, fou, fou, fou, fou. Tu vas niquer comme un fou. Fou, fou, fou, fou. Oui, que tu vas niquer comme un fou. Fou, fou, fou, fou, fou. Que tu vas niquer comme un fou. Oh, et tu vas... Oh, tu vas me faire chier longtemps avec ta guitare là. Oh, c'est fini. Oh. Ah putain, je me casse, moi. Chier.